de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il s'était mis à trois pour écrire une comédie vaudeville en un acte, sans prétention, disons-le tout de suite, qui ne renouvelait pas l'art de la comédie, mais qui en annonçait d'autres, de comédies, des vaudevilles, écrits par Labiche, seul ou en collaboration. Dans l'œuvre qui nous concerne cette nuit, Le Misanthrope et l'Auvergnat, il s'agit, comme le titre l'indique, d'une rencontre entre un misanthrope, en fait plus un grognon, plus un homme désagréable que véritablement un ennemi du genre humain, et d'un brave porteur d'eau, interprété par Jean Richard, qui ne roulait pas trop les R, comme il le fit plus tard dans de nombreux sketchs, des sketchs dits paysans. Mais le mieux est de laisser son adaptateur présenter la pièce, diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale, dans l'émission Soirée de Paris, le 27 septembre 1953. La radiodiffusion française vous prie d'écouter Le Misanthrope et l'Auvergnat, comédie vaudeville en un acte de Labiche, Giraudin et Lubize, dans une adaptation de Philippe Soupeau. Monsieur Philippe Soupeau. C'est moi-même. À qui ai-je l'honneur ? Lisélina. Lisélina ? La RTF, monsieur. Je t'en prie, mademoiselle, donnez-vous l'appel d'entrée, par ici. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez écrit, monsieur, un ouvrage consacré à Ernest Labiche. Eugène. Comment ? Je dis Eugène et non pas Ernest Labiche. Eugène, si vous voulez. Vous avez écrit ceci. Attendez, permettez que je vois ma page. Voilà. Il y a un peu plus de 100 ans que Labiche débutait, et il faut signaler ce centenaire que les circonstances en 1942 ont évidemment empêché de célébrer pour indiquer que le temps qui, surtout dans le domaine théâtral, fane toutes les œuvres à succès, n'a pas atteint les pièces majeures de l'auteur du Misanthrope et de l'Auvergnat qu'il fit représenter en 1853, bien au contraire. Vous poursuivez. Il semble que peu à peu, Labiche soit haussée dans le royaume du théâtre à sa véritable place, la première du XIXe siècle près d'Henri Beck et d'Alfred de Musset. C'est tout à fait mon avis, mademoiselle. Je voudrais même ajouter... Permettez. Vous avez prétendu que le Misanthrope et l'Auvergnat marquent une date importante dans l'histoire du théâtre parce que cette pièce est la première comédie de Labiche qui, jusqu'alors, n'avait jamais écrit que des vaudevilles. Oui, notamment le célèbre chapeau de paille d'Italie. Permettez. Vous racontez dans votre ouvrage déjà cité que le chapeau de paille d'Italie fut un triomphe, bien que le directeur qui reçut la pièce déclara que c'était idiot. Labiche, écrivez-vous, répondit au directeur « C'est bien possible, mais nous ne le saurons qu'après la première. » Et le jour de la première, le directeur effrayé partit pour la campagne en jurant qu'il ne reviendrait que lorsqu'on ne jouerait plus la pièce tant elle le dégoûtait. La pièce fut jouée plus de 300 fois. Mais le Misanthrope et l'Auvergnat... Vous affirmez dans votre ouvrage, monsieur, déjà cité, que cette première comédie en un acte qui fut représentée au Théâtre du Palais-Royal impressionna la critique et valut à son auteur la faveur du monde littéraire. C'est exact. Permettez. Vous avez encore écrit qu'un auteur qui a su recréer un monde, faire revivre un milieu et fixer pour longtemps le tableau des mœurs d'une catégorie d'individus mérite d'être considéré comme un grand écrivain. En effet, et je le pense encore. Puis-je me permettre de placer un mot, monsieur ? Oh, je vous en prie. Vous avez déclaré que le Misanthrope et l'Auvergnat est un chef-d'œuvre technique qui permet de distinguer ce que l'œuvre de Labiche a d'exceptionnel, en dépit de l'intention première de cet auteur de faire rire, et le plus souvent, et le plus fort possible, écrivez-vous. Jamais il ne défigure, jamais il n'exagère, ni ne grossit. Chaque trait, chaque mot, si comique soit-il, est juste, tout est admirablement construit, composé, développé. J'ajouterai, si vous me le permettez, je vous en prie, qu'aucun écrivain de théâtre n'a su, comme Labiche, présenté aussi nettement et aussi rapidement, avec une pareille sobriété de gestes, de moyens, des types qui sont aussi des individus, des personnages qui sont également des caractères. Puis-je me permettre de vous interrompre, oh, monsieur ? Le temps nous est malheureusement très mesuré. Vous avez prétendu que Labiche était un bourgeois, qui ne voulait rien corriger, pas même les mœurs, mais il éprouvait une joie sans mélange, une joie qui se répand dans ses œuvres et qui les colore à rire, à se moquer, à se venger de ses propres travers, de ses propres désirs, de ses propres vices. Il ne s'est peut-être pas lui-même reconnu, oh, concluez-vous. Je n'en suis pas tellement sûr aujourd'hui. Je crois qu'il ne voulait pas se reconnaître. N'insistez pas, monsieur, je vous en prie. Vous avez déjà beaucoup parlé, c'était bien assez comme ça, mais je vous remercie beaucoup des intéressantes précisions que vous avez bien voulu me donner. Au revoir, monsieur. Oh, mademoiselle, permettez-moi au moins de présenter les personnages et d'indiquer le décor. Vous y tenez ? Oh, mais alors écoutez, faites très vite, parce que les introductions les plus courtes sont les meilleures. Vous avez la parole, n'en abusez pas. Personnage du misanthrope et de l'Auvergnat. Chiffonnet, le misanthrope, rentier, un des personnages préférés de la biche, bourgeois, célibataire, admirateur des dames, méfiant et très peureux, gourmand, avare, gros, portant perruque, frisant la soixantaine, mais n'en avouant que 40. C'est le rôle qu'a bien voulu interpréter cet excellent comédien protéiforme, Maurice Ténac. Machavoine est un Auvergnat. Ses compatriotes avaient la spécialité de transporter des seaux d'eau dans les maisons bourgeoises qui, il y a 100 ans, ignoraient le confort de l'eau courante à tous les étages. Ces porteurs d'eau étaient très populaires. On les payait très mal. Et pourtant, beaucoup ont fait fortune. Ne poussons pas l'indiscrétion en citant des noms qui honorent aujourd'hui le commerce, l'industrie et les finances de la République et de l'Académie française. Machavoine sera incarné par l'étonnant Jean Richard, qui a su être Auvergnat et n'en est pas pourtant moins un homme. Coquenard, comme son nom le suggère, est un des types préférés des auteurs dramatiques français depuis Georges Dandin. La biche n'a pas hésité à le transformer en le rendant maladivement méfiant. Ce remarquable comédien qu'est Jacques Morel a bien voulu le silhouetter. Prunette, c'est la fidèle servante des comédies françaises. Elle est fine, rusée, extrêmement jolie. C'est une Parisienne 100%. Ce rôle, un des rares rôles de femme que la biche est appliquée à soigneusement dessiner, ne pouvait être joué que par cette ravissante et subtile comédienne qu'est Solange Certain. Madame Coquenard n'est qu'une silhouette. C'est la jolie femme d'un autre avec toute la séduction que promettent l'aventure et l'espoir, mais dont la coquetterie est tempérée par la crainte des scènes que peut lui faire son mari. Elle sera incarnée par la très charmante Paul Emmanuel. Nous entendrons aussi des gens de maison, car Chiffonnet, le misanthrope que le commerce avait enrichi, vivait à une époque où le fisc ne s'étonnait pas qu'un célibataire pût avoir à son service une cuisinière, un maître d'hôtel et un valet de chambre. C'est fini ? Non, Monsieur José Arthur a bien voulu accepter de jouer tous les valets. C'est fini. Alors, Prunette, la servante la plus fine de Paris, va enfin pouvoir entrer dans le petit salon de Monsieur Chiffonnet. Le salon de Monsieur Chiffonnet est un petit salon Louis-Philippe, comme les proposent aujourd'hui les antiquaires. Des fauteuils bonne femme, des guéridons, des bonheurs du jour, des rideaux de reps couleur puce, une jolie cage de bois doré où gazouille un serin, et 4 portes. L'une donne sur la chambre à coucher de Chiffonnet, qui aime se lever très tard, à midi au moins. Par la 2e porte, on vient de l'office et de la cuisine. La 3e porte ouvre sur la chambre d'amis, qui sert de lingerie. Et la 4e, sur le grand salon où l'on ne pénètre que les jours de réception. Mais voici Prunette. Frappons les 3 coups. Je n'y suis pour personne! Personne! Personne! Vous n'y êtes pour personne! Non! Bien, monsieur! Oh, voilà un bourgeois sauvage et désagréable. Ordinairement, les vieux garçons, c'est un tas de farceurs. Mais celui-là, il vit tout seul, dans des endroits noirs, comme un colimaçon. Dans ce moment, il se rase. En se rasant, il se coupe. Et pour arrêter le sang, il cherche des toiles d'araignée. Il n'en trouve pas, et alors, il bougonne. Et puis, il a encore un autre tic. Quand il a fini sa barbe, il va se recoucher. Et il se lève tard, très tard, afin, dit-il, de contempler moins longtemps ses semblables. Tiens, à propos de semblables, j'ai oublié d'acheter du mouron pour le serin, monsieur. Le seul être qu'il a mis si bas. Je vais lui donner du sucre. Tiens, petit. Oh, c'est lui, il sonne. Il grince. Je reconnais ça à la sonnette. Ma foi gras à la sauce, je me sauve. Mon coutelier m'a dit que ce rasoir couperait, et ce rasoir ne coupe pas. Et l'on veut que j'aime le genre humain. Oh, pitié, pitié. Oh, les hommes, je les ai dans le nez. Oui, tout en ce monde n'est que mensonge, vol et fourberie. Exemple hier, je sors. À trois pas de chez moi, on me fait mon mouchoir. J'entre dans un magasin pour en acheter un autre. Il y avait écrit sur l'aventure English Spoken et on ne parlait que le français. Pitié, pitié. Il y avait écrit préfixe. Je marchande et on me diminue 20 francs. Famille, je paie. Et on me rend quoi? Une pièce de 20 francs pour une de 50. Et on veut que j'aime le genre humain. Non, non et non. Tout n'est que mensonge, vol et fourberie. Aussi, j'ai conçu un vaste dessein. J'ai des amis, des canailles d'amis, qui sous prétexte que c'est aujourd'hui ma fête, vont venir m'offrir leurs vœux menteurs. Je leur ménage une petite surprise, un raout, une petite fête Louis XV, avec des gâteaux de l'époque et des rafraîchissements frelatés, comme leurs compliments. À minuit, je monte sur un fauteuil et je leur crie « Vous êtes tous dégueux! J'ai assez de vos grimaces! Fichez-moi le camp !» Et quand ils seront partis, je brûlerai du vinaigre. Oh, je me refroidis dans ce costume. J'ai mal dormi. J'ai fait des rêves atroces. J'ai rêvé que j'embrassais un notaire et trois avoués. Bah. J'ai perdu mon portefeuille. Un portefeuille gonflé de 20 billets de 10 000. Et je l'ai égaré dans l'appartement ou dans l'escalier. Et immédiatement, je me suis parié un cigare qu'on ne me le rapporterait pas. Eh bien, j'ai gagné. Triste, triste. Bah, je vais me recoucher. Non, avant d'aller me coucher, il n'est que midi. J'ai envie de mettre tous mes domestiques à la porte. Je les ai depuis 5 jours, il faut en finir. Monsieur ? Approche, mon ami, approche. Tiens, il a l'air de bonne humeur. Regarde-moi. Comment me trouves-tu ce matin ? Oh, monsieur est frais comme une rose. Tu mens ! Je suis jaune, je suis fané, je suis glauque ! Va-t'en, je te chasse ! Mais monsieur ! Va-t'en, misérable ! Frais comme une rose. Et on veut que j'aime le genre humain. À l'autre, maintenant. Approche, mon ami. Approche. Bastien, tu es un honnête homme, toi. Un bien honnête homme. Réponds-moi franchement. Si je me mariais, crois-tu que je serais... Oh non, monsieur. Pourquoi? Oh dame, parce que monsieur... Monsieur est si aimable. Oh, très bien. Il est flatté. Mon ami, hier, en me promenant au jardin des plantes, j'ai laissé tomber une épingle dans la fosse de l'ours Martin. Va me la chercher. Moi ? Je te défends de remettre les pieds ici sans l'épingle. Mais alors vous me chassez ? Je ne te chasse pas, je t'envoie chercher une épingle. Va, dépêche-toi. Et envoie-moi Prunette. C'est une bonne Prunette. Ah, j'éprouve le besoin de causer aussi avec elle. Vous me demandez, monsieur ? Oui. Approche, ma petite Prunette. Approche. Me voilà, monsieur. Je t'ai fait venir pour te dire que je ne faisais pas un cas énorme de toi. Comment ? Entre nous, tu es doué de pas mal d'hypocrisie, de fausseté, de mensonge. Mais... tu manges mon sucre. Tu te plonges dans mes confitures et tu me fabriques des filets au vin de Madère avec la piquette de Suresne. Oh, par exemple ! Mais je ne t'en veux pas. Au contraire. Ça me fait plaisir. Aussi, je te garderai à mon service. Toujours. Monsieur est bien bon. Non, je ne suis pas bon. Je te garde pour avoir près de moi un échantillon de tous les vices, de toutes les gradineries. Mais monsieur... Et si par hasard j'avais la faiblesse de me lire, de croire à la bonne foi, eh bien tu serais là, près de moi, comme un bec de gaz, pour m'éclairer. Un bec de gaz? Voilà la bonne Prunette, ce que j'avais à te dire. Maintenant tu peux retourner à ta cuisine, reprendre le cours de ton exploitation. Oh, tiens, c'est baroque cet homme-là. Oh, si la place n'était pas si bonne. Midi 10. Je vais aller me recoucher. Monsieur Coquenard, monsieur. Tiens, Coquenard, quel service va-t-il me demander ? Bonjour, cher Siphonet, il faut que je vous parle. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Le voilà. Que le diable l'emporte. Comment allez-vous, cher ami? Cher ami... Bonjour, Coquenard. Nous avons reçu votre lettre d'invitation pour ce soir. On dit que ce sera charmant. Je le crois. Il y aura une surprise. Oh, bah, à quelle heure? À minuit. Quand je les flanquerai à la porte. C'est délicieuse. Madame Coquenard se fait une fête. Madame Coquenard se fait... Oui. Savez-vous qu'elle est très jolie, votre femme? Ah, pas mal. C'est-à-dire qu'elle est ravissante. Des cheveux, des yeux, une taille. Est-elle vertueuse? Est-il? Ah, ça, vous plaisantez? Écoutez donc, nous avons énormément de femmes qui ne sont pas vertueuses. À Paris? Non, en Chine. Pourquoi me dit-il ça? Siphonet, auriez-vous appris quelque chose? Moi, rien. Si cela était, je vous le dirais. Oh, ce serait d'un ami, d'un véritable ami. Oh, ce bon Siphonet, que je suis donc content de vous revoir. Il me caresse, il va me demander quelque chose. Oui, à propos, j'ai compté sur vous pour me rendre un petit service. Voilà, ça y est. J'ai besoin de 200 000 francs pour un mois. Oui, oh, figurez-vous que j'ai découvert ce matin un cheval qui vaut de l'or. Je compte le faire courir à Chantilly. Mais dans ce moment, je ne suis pas en fond et j'ai pensé à vous. Coquenard. Comment me trouvez-vous ce matin? Le pauvre bonhomme, il se frappe. Voulez-vous que je vous parle franchement? Eh bien, vous êtes frais comme un jeune homme. Merci. Canaille, canaille. Avez-vous là ces 200 000 francs? Non, j'attends une rentrée. Revenez dans une heure. Merci, vous êtes charmant. Mais quelle mine, oh! Tenez, vous vivrez 100 ans. Allez, au revoir, Siphonet, je reviendrai. Comptez sur moi. 100 ans pour 200 000 francs. Oh, canaille, canaille. Monsieur Désir? Monsieur Coquenard va revenir dans une heure. Tu lui diras que je suis à Strasbourg. Bien, monsieur. Oh, canaille, canaille. Oh, oh, je rentre dans ma chambre. Oh, canaille, canaille. À Strasbourg? Eh ben, et sa soirée? Allô? Allô? Allô? Bourgeois, chiffonnez, s'il vous plaît. Comment, monsieur Machavoine, vous entrez dans le salon avec vos seaux? Eh ben, quoi, je suis porteur d'eau, oui. J'ai mes seaux et je crie « Allô, oh, oh, allô, oh, oh. » Ces Auvergnats, c'était bien bâti. Eh bien, quoi vous voulez? Je veux parler aux bourgeois, pour des affaires à part. Un secret? Oui. Qu'est-ce que c'est? Je suis venu pour lui dire... Pour lui dire? Que la rivière, il passait toujours sous le pont neuf. Oh, qu'il est bête. Eh ben, vous ne le verrez pas, le bourgeois, il dort. Ah, il dort. Je vais le réveiller, moi. Allô, allô. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, que va dire monsieur Chiffonnet? Je me sauve. Quel est l'animal? Le porteur d'eau? C'est toi qui m'as réveillé, imbécile? À midi, faut-il que vous soyez feignant? Voyons, que veux-tu? C'était pas vous qui auriez perdu quelque chose? Oui, en effet, j'ai perdu... Là, où t'es-ce? Dans mon escalier, je crois. Après? Un portefeuille. Quelle couleur? Rouge. Contenant? 20 billets de 10 000. Bon, mais c'est bien à vous. Voilà le Marocain. Maintenant, j'ai plus rien à vous dire. Bonsoir. C'est prodigieux. Tiens, je me dois un cigare. Eh bien, où vas-tu donc? Hé, hey, porteur d'eau! Bourgeois? Tu oublies la petite récompense. Une récompense? Et à cause de quoi? Parce que tu me rapportes 200 000 francs. Pour ça? Alors donc. C'est pas assez lourd. Ah, si c'était de la ferraille, oui. Mais de l'argent, fichre, ça fait plaisir à rapporter pour rien. Ouais, ouais. C'est pour avoir davantage. Je connais cette ficelle-là. Tiens, voilà 4000 francs. Rentrez ça. Les enfants de l'Auvergne sont des honnêtes gens. 20 000 francs. Rentrez ça. 50 000 francs. Ah, assez, hein. Pourriez me tenter. Alors là, moi, je vous aplatirai comme une limande. Fichtra, fichtra. Quelle sainte indignation! Comment t'appelles-tu? Machavoine. Machavoine, tu es sublime. Ah, hé, sublime vous-même, fils de... Calme-toi. Ah, moi, c'est que je suis franc. Moi, je ne sais pas mentir, moi. Tu ne sais pas mentir? Machavoine, comment me trouves-tu ce matin? Je vous trouve laid. Très bien. Si je me mariais, Crois-tu que je serai... Ah, ça, tout de suite. Enfin, en voilà un. Oh, ça fait du bien, ça repose. On a bien raison de dire que la vérité habite un puits, mais sans les porteurs d'eau, elle y resterait. Cause-moi, ma chavoine, cause-moi. Mais j'ai pas le temps et mes pratiques. Ah, quelle idée! Je conçois un vaste dessin. Écoute-moi, bon savoyard. Auvergnat. Auvergnat, ça m'est égal. Que gagnes-tu à porter de l'eau chez tes contemporains? Je gagne 200 à 300 francs par jour. Et ça te suffit pour vivre? Oui. Oh, frugalité, frugalitas. Homme des temps antiques, j'ai besoin d'un ami. Veux-tu devenir le mien? Je te donnerai 500 francs par jour et nourri. 500 francs? Oh, fichtre. Et qu'est-ce que j'aurai à faire? Tu me diras la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. T'as un métier de fainéant, ça. Oh, pas tant que tu le crois, il y a de l'ouvrage. Tu te mettras à l'affût, et dès qu'un mensonge paraîtra dans cette maison, paf, tu tireras dessus, sans pitié. Oh, quel drôle d'état. Et si c'est vous qui mentez? Raison de plus, tu tireras à mitraille. Ainsi, c'est convenu? Touche-la. C'est convenu. Un instant. Mm-hmm. Vous pouvez être un filou, vous. Oh, il me traite de filou. C'est charmant. Continue. Une supposition que dans 8 jours, vous me flanquiez à la porte, comme une écaille d'huître. Hein? Jamais. Alors j'aurais perdu mon état, mes pratiques. Oh non, tenez, décidément. Non, j'aime mieux porter mon eau. Non, non. Arrête, cruel, ma savoine. Veux-tu que je me lie par une parole d'honneur? Oh là, les paroles d'honneur, hein, c'est comme la neige, ça fond devant le soleil. J'aime ce souverain mépris des hommes. Faisons un bail de 3, 6, 9. À mon choix. Soit. À la bonne heure. Je le tiens. Eh, c'est bien 500 francs que vous avez dit. Oui, et de plus, je stipule un fort dédit. 6000 francs. Ce n'est pas assez. 300 000 francs. Oh la fiche. Il ne pourra plus m'échapper. Monsieur? Ah, qu'est-ce que c'est? Je n'aime pas qu'on me dérange quand je suis avec mon ami. Le porteur d'eau? L'ami de monsieur? Apprenez, mademoiselle Prunette, que cet homme n'est plus un porteur d'eau. Je l'ai élevé au grade d'ami. Fichtra! Oui, et à raison de 500 francs par jour et nourri. À propos, combien de plats? Écoute les comptes de la cuisinière et tu le sauras. Bon, avant, je suis franc, moi. Avant, je vais vous demander une chose. Parle. Je voudrais... te tutoyer comme tu me tutailles. Je n'osais pas te l'offrir. Tutoie-moi, fichtra. Oh, merci. Vos comptes, Prunette. Pain, 100 francs. Oh, 100 francs de pain? Il est augmenté. Oh, le augmenté. Pot-au-feu, 1700 francs, 50 centimes. 1700 francs, 50 centimes de pot-au-feu? Au bigram. Il est augmenté. Oh. Choux et légumes, 300 francs. Poulet, 2000 francs. Oh, c'est trop fort. 1000 fichtras de bigram. Pardon. Le pain n'est pas augmenté, la viande non plus. Quant au poulet, moi j'étais chez la marchande. Vous l'avez payé 1000 francs. Mais taisez-vous donc. Non, non. Pourquoi que vous voulez voler ce brave homme? C'est pas vrai. Oh, je ne dites pas ça. Un silence. Oh, que l'admirable mise en scène. D'un côté, la vérité, de l'autre, le mensonge, et chiffonné au milieu, calme et serein. C'est égal, elle l'a payé 1000 francs. Oui, mais je dirais pourquoi, monsieur. Ma chavoine, tu as été gigantesque. Tu as été homérique. Je te mets à ma table. Va t'habiller. Je veux bien aller m'habiller, mais elle l'a payé 1000 francs. Prunette. Monsieur. Avance, mon enfant. Nous filoutons donc la monnaie à papa chiffonnet. Monsieur, je vais vous dire la vérité. La vérité? Oh, j'aime tes mots. Vous m'avez dit pour la soirée. Une petite voleuse. Je vois bien que monsieur veut me renvoyer. Moi, mais je m'en garderai bien. Je vois bien que monsieur manque de confiance en moi. Confiance? Oh, assez. Oh, tu me ferais mourir de rire. C'est pas possible, il a eu un coup de marteau. Tu as bien exécuté mes ordres pour ce soir? C'est-à-dire... oui, monsieur. J'ose pas lui dire. Les sirops sont-ils bien mauvais, bien tournés? Oui, monsieur. Ah, tant mieux, ces chers amis. Et le gâteau? Ils ont 8 jours. C'est bien jeune. Et le riz au lait? Ah, je n'ai pas mis de riz. Ni de lait? Non, monsieur. Alors, qu'est-ce que tu as mis? J'ai fait de la semoule à l'eau. Oh, très bien. Ajoute-y de la moutarde. Et quant aux bougies, de la chandelle. Mais, monsieur... Qu'est-ce que ça te fait? Tu me la compteras comme de la bougie. Petite truande, petite ribaude. Adieu, petite cour des miracles. Adieu. Monsieur, monsieur. Madame Coquenard demande à vous parler en secret. Madame Coquenard? Une si belle femme? Dans mon ermitage? Sapristi. Je suis fâché de ne pas avoir mis ma perruque neuve. Enfin, fais entrer. Entrez, madame. Monsieur? Madame, donnez-vous donc la peine de vous asseoir. Non, je ne reste qu'un instant. Elle est encore plus suave dans le tête-à-tête. Monsieur, qu'allez-vous penser de ma démarche? Je pense que votre démarche est celle d'une gazelle. C'est-à-dire que vous la trouvez légère? Oh, loin de moi! Et vous avez raison. Osez me présenter chez vous, chez un garçon... Sans mon mari? Madame, l'absence d'un mari est le plus beau cortège d'une femme chez un garçon. Quel petit bandit suis-je? Vous allez dire que je suis bien indiscrète, mais... Mais achevez de grâce! Vous avez vu Monsieur Coquenard ce matin? Oui. Il vous a, je crois, parlé d'un emprunt. Il vient chercher les 200 000. C'est une carotte. Soyons froids. Effectivement, madame. Effectivement, nous en avons parlé vaguement. Excessivement vaguement. Il me l'a dit. Parbleu. Et je suis venue à son insu. Oui, en catimini. En catimini. Qu'est-ce qu'il a? Vous priez. Vous suppliez. Oui, je la vois venir. Ne lui prêtez pas ses 200 000 francs. Ah bon? Madame, donnez-vous donc la peine de vous asseoir. J'en deviens bandit. Vous me le promettez? Refuser à ce pauvre coquenard, c'est cruel, bien cruel. Mais pour vous être agréable... C'est que vous ne savez pas. Quoi donc? Non, j'ai tort de vous dire. Mon mari possède un travers affreux. Se livrerait-il aux alcools? Non. Mais il aime, il adore, il idolâtre les chevaux. Comment, ces vilaines petites créatures sans grâce qui nous jettent par terre? Oui, monsieur. Aussi passe-t-il sa vie dans son écurie. Il en a fait son salon, son cabinet de travail, son boudoir. Et sa chambre à coucher? Oh non! Ah, c'est égal. Vivre dans le fumier, comme un melon. Oh, fi, fi, fi, et encore fi! Que voulez-vous? Je me résigne. Je sais m'imposer des privations. Dernièrement, je désirais un cachemire. Eh bien? Eh bien, Monsieur Coquenard s'est donné un poney. Pauvre martyr de l'équitation. Cependant, je ne voudrais pas que cette sotte passion le ruinât. Je comprends ce subjonctif. C'est le subjonctif d'un ange auquel on a refusé un cachemire. Si, monsieur, c'est bien convenu. Vous ne lui prêterez pas cette somme. Ah, soyez sans crainte. D'ailleurs... Puis-je refuser quelque chose à une femme si... Mais asseyez-vous donc. Merci. Nous serions mieux pour causer. Je vais me retirer, car si mon mari se doutait... Oh, pas encore. Laissez-moi contempler ce profil byzantin. Ce nez renouvelé des Grecs. Ses yeux fendus en amande. Douce, très douce. Oh, monsieur. Et ses cheveux, qu'ils sont beaux, onduleux, vaporeux, fabuleux. Mais il me semble que vous-même, du côté des cheveux, vous ne pouvez pas vous plaindre. Elle croit que c'est à moi. J'avoue que j'aurais tort de me plaindre. Sous ce rapport, la nature n'a pas trop liardé à mon égard. Ah, voilà la perruque que vous m'avez demandé de vous apporter. Sacré Dieu, ce n'est pas le moment. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la perruque à chiffonnette. Mais c'est faux, connais pas. Mais si. Mais non. Mais si. Mais c'est quoi donc, animal? Oh, il me dit de me taire. À preuve que c'est à lui. Oh, monsieur Chiffonnet, vous portez perruque? Oh, à l'ami Carême seulement. Pour me mettre en marquis Louis XV. J'espère, madame, que vous ne croyez pas un mot. Monsieur, comptez sur ma discrétion. Madame. Ce manant me fait perdre une occasion magnifique. Monsieur, c'est monsieur Coquenard. Mon Dieu, je suis perdue s'il me trouve ici. Comment ? Mais il est d'une jalousie, il vous tuera, monsieur. Pigre, Ponette, dis que je n'y suis pas. Ou par exemple, faire mentir cette fille, ça serait du propre. Non, non, non. Monsieur, monsieur, il est là, le chiffonnet, il est là. Au nom de Dieu. Mon Dieu, que faire ? Vite, entrez par là dans cette chambre, vous pourrez sortir par la cuisine. Entrez, monsieur, entrez. Tiens, où qu'elle est passée ? Bonjour, chiffonnet, je vous dérange ? Du tout, du tout. J'allais sortir. Mais pourquoi venez-vous donc ? Je viens chercher les 200 000 francs dont je vous ai parlé. Et sa femme qui m'a fait promettre. Mon cher ami, je suis désolé, mais cette rentrée sur laquelle je comptais... je n'ai pas d'argent. Pas d'argent ? Pourquoi que vous dites ça ? Il en a seulement, il ne veut pas vous en prêter. Oh, mais il m'agace ! Et comment, chiffonnet ? Croyez, mon cher Coquenard, que si j'avais cette somme, je serais heureux, oh, mais bien heureux, de pouvoir vous l'offrir. Oh, ben si c'est que ça. Ce subalterne ignore l'état de mes caisses. Soyez heureux, voilà les 200 000 francs. Le portefeuille que j'ai trouvé et que j'ai rapporté. Oui, je l'avais oublié. Oublié dans ce tiroir. Mais c'est la grêle, la peste que cet Auvergnat... Voici les 200 000 francs. Oh, mon ami, que de remerciements. Il n'y a pas de quoi. Alors adieu, à ce soir. Je suis pressé. Tiens, c'est extraordinaire. À qui donc est cette ombrelle ? Bon Dieu, bon Dieu. À qui est cette ombrelle ? C'est une ombrelle. Un cadeau que je viens de faire à ma nièce. À votre nièce ? Oui. Ah, vraiment ? Le croyez pas, il vous compte des couleuvres et des mensonges. Comment des mensonges ? C'est l'ombrelle d'une dame en chapeau bleu. En chapeau bleu ? Tiens, tiens. Non, c'est faux ! Avec un châle blanc. Avec un châle blanc ? Comment ? C'est bien ça ? Mais ma femme a un châle blanc ? Misérable Auvergnat. Et tout à l'heure, le bourgeois, il lui faisait de l'œil. Oh, mais de l'œil, avec sa perruque encore. Où est cette dame ? Je vais vous expliquer. Ah non, non, non, pas vous ! Toi, ma chavoine, explique-moi, car tu dis la vérité, toi. Toujours. Eh bien, parle ! Où est cette dame ? Cette dame, je l'ai vue. Elle est entrée dans la chambre à côté. Dans la chambre à côté. Ouvrez, madame, ouvrez ! Coquenard, vous oubliez que vous êtes chez moi ! Oh, monsieur, rendez-moi ma femme et après, nous causerons. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi tout ce bruit ? Tiens, qui est cette femme ? Oh, elle s'est raccourcie. Au revoir, mon oncle. Il faut que je me sauve. Brunette, oh, fille intelligente et rouée. Parti, ne craignez rien. Quoi, que dites-vous ? Rien. Adieu à ma nièce. Prends une voiture et embrasse ton mari pour moi. Oui, mon oncle. Pardon, monsieur, voulez-vous me rendre mon ombrelle ? Madame, voici votre ombrelle. Sa nièce ou pas sa nièce, du moment que ça n'est pas ma femme. Dites donc, monsieur Coquenard, c'est pas la même. Quoi ? Que dis-tu, ma chavoine ? L'autre, elle était plus grande, moins ratatinée. Est-ce possible ? Oh, il y a un mystère, mais je le découvrirai. J'ai un moyen. Ma chavoine, dans 5 minutes, viens me trouver au café en face. 1 000 francs pour toi. Eh bien, vilain jaloux ! Oh, c'est honteux, Coquenard. Oui, j'avais tort, je le reconnais. Soupçonner un ami. Ce bon chiffonnet. Je vous aurais tué d'abord. Oh, nom de Dieu. Il a pâli. Adieu. À tantôt. Toi, ma chavoine, rendez-vous dans 5 minutes. Adieu, chiffonnet. Ou plutôt, non. Au revoir. Toi, ma chavoine, fiche-moi le camp. Je t'ai assez vu. Mets 300 000 francs ou je reste. Adieu. Je reviens les chercher dans 10 minutes. Hein. 300 000 francs ? Plutôt que de te les donner, j'aimerais mieux les donner à la société pour la destruction des animaux nuisibles. Y compris les porteurs d'eau. Et dire que j'en ai pour 9 ans. 3, 6 ou 9. À sa volonté, et pas à la mienne. Oh, ça met, je suis dans la position de la Haucon. Avec un Auvergnat qui me serpente autour du cou, qui m'étrangle, qui m'étouffe. Et comment faire pour le renvoyer dans ses sales montagnes, dans son savoyard depuis Dôme. Je conçois un vaste dessein. Une idée machiavélique, mais tellement machiavélique que je n'ose pas me la conter à moi-même. Si je pouvais trouver sous ma main un ange assez déchu pour lui dire que... Ah, c'est toi, Brunette. J'ai rapporté l'ombrelle, elle est sauvée. Brunette, tu as fait un coup de maître tout à l'heure. Je t'en sais bon gré. Regardez-moi. Je dois avoir quelque chose de méphistophélistique dans l'œil. Il vous est entré quelque chose dans l'âme ? Comment trouves-tu le petit ami que je me suis procuré ce matin ? Ma chavoine ? Oui. Madame, monsieur, je le trouve bel homme. Très bien. Prunette, il faut croiser les races. J'ai envie de te le donner en mariage. À moi ? Oui, oui, mais à une condition. Laquelle ? Parlez ! Écoute-moi. Prunette, tu es de l'étoffe des Lisettes et des Martons, dont fourmille le répertoire du théâtre français, théâtre préféré des familles, et qui sont le type de la fourberie et de la duplicité. Mais monsieur ! Ne proteste pas. Ces charmantes créatures ont été inventées pour tendre des pièges, des embûches, disons le mot, des traquenards, aux hommes assez simples pour se laisser prendre à leurs douces paroles. Eh bien, si toi, Brunette, toi que j'estime assez pour te placer, pour rendre ces délicieuses coquines de ces adorables effrontés... Non, non, non, proteste pas. Si je te donnais la mission de conduire ce primitif mâche-avoine sur le chemin que tu parcours si noblement, hein, si je te chargeais de l'amener à ce degré de fausseté que tu possèdes... Ah, me permettez. Je ne permets pas, je continue. Si enfin je te donnais un homme franc, trop franc, hein, ami, trop ami de la vérité, pour en faire un menteur... Hein. Bref, si je te confiais un Auvergnat, te sens-tu de force à prendre un Gascon ? Un Gascon ? Dame, monsieur, je tâcherai. Ça me suffit. Top, mâche-avoine est à toi. Mais, je te le répète, déteins sur lui, ma mignonne. Hein, rends-le câlin, flatteur, ma toute belle. Monsieur est bien bon. Va, ma colombe, va, et ta fortune est assurée. Rends-le câlin, flatteur, menteur. Hein, courage, Prunette. Oui, monsieur. Et moi, je vais dormir. Il est déjà 3 heures. Lui apprendre à mentir. Voilà une drôle d'idée. Ordinairement, ces choses-là, ça s'apprend pas. Ça vient tout seul. Alors, le coquenard, c'est un brave. M'a promis 1 000 francs pour ce soir et 500 francs de chiffonnet. Oh, la vérité, c'est un fameux métier. Monsieur Mâche-avoine. Ah, oh, c'est vous, mademoiselle Prunette. Oh, qu'est dommage que soyez pas franche, qu'est beau brin de fille. Où est-ce qu'on met le lard, s'il vous plaît? Le lard? Vous avez faim? Oui. Attendez, je vais vous donner du poulet. Ah, gardez-le, votre poulet, hein. Moi, je veux pas des poulets qu'on achète 1 000 francs et qu'on fait payer 2 000. Ah, oh, monsieur Mâche-avoine, c'était pas pour les mettre dans ma poche, allez. Ah là, où c'est que vous les avez mis? Oh, qu'est dommage, qu'est beau brin de fille. Mais c'est pour les rafraîchissements de la soirée. Comment que vous dites ça? Monsieur Chiffonnet, oh, il est si drôle, vous voulez donner des sirops tournés. Mais moi, je veux pas que sa maison passe pour une gargote, alors j'ai gagné sur le poulet pour acheter des sirops. Oh, fichtra. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est honnête. Puis ça me raccommode avec vous. Tenez, mademoiselle Prunette, faut que je vous embrasse. Oh, c'est pas honnête de s'embrasser quand on se connaît pas beaucoup. Il y viendra. Eh ben, connaissez-moi beaucoup. Ah, Christy! Quoi donc? C'est un moustique qui vient de me piquer au bras. Voyons voir que je vois pour que je regarde. On ne serrait pas mon bras si fort. C'est doux comme une peau de lapin. Flatteur. C'est grand souillet, c'est potelé. Oh, fichtra. Peux-tu embrasser? Oh, il est bien temps de demander la permission. Oh, écoutez, ouvrez la fenêtre. Vous avez chaud? Non, c'est un signal. Ça veut dire mademoiselle Prunette, peut-on venir vous voir? Et qui ça? Mon amoureux? Hein? Ben oui, le garçon du café qui est en face. Votre amoureux? Et quand j'ouvre la fenêtre, ça veut dire vous pouvez venir. Oh, bigre! Et vous me la faites ouvrir à moi? Ah, ben je vais la fermer. Il y est venu. Écoutez donc! Il parle de m'épouser, lui. Mais j'en parlerai aussi, j'en parlerai. Vous? Oh non, un charabia, c'est trop godiche. Un charabia? Ah oui, tandis que l'autre, un gascon, c'est malin. Je deviendrai malin. Futé? Je deviendrai futé. Menteur? Je deviendrai... Non, jamais. Un enfant de l'Auvergne, pas possible. Alors ouvrez la fenêtre. Mille carabines. Mais qu'est-ce que ça vous fait que je dise la vérité? Mais tiens, ça me fait beaucoup. Quand je serai vieille, quand je serai laide, je ne veux pas d'un mari qui me le dise. Eh bien, je vous la dirai pas. Alors vous mentirez. Oh, fichtre. Après tout, un petit mensonge, quand on ne fait de mal à personne, et que ça rend service... C'est possible que si... Où est-ce qu'on met le lard, s'il vous plaît? Il s'en va. Ah! Encore un moustique! Oh, voyons voir que je vois. Si vous vouliez, il serait à vous, ce bras-là. Oh, crédit. Non. Où est-ce qu'on met le lard, s'il vous plaît? Ah! Dans la cuisine, animal! Merci. Y a pas quoi? Quel dommage, un si beau brin de fille. Je vais chercher le lard. Ça ne prend pas. Eh bien! Commences-tu à l'apprivoiser un peu? Oh, ben oui, il est souple comme un tas de pavés. J'y renonce. Déjà, Prunette? Ah, tu dégringoles dans mon estime. Mais c'est pas ma faute, j'ai tout fait. Tout, ce n'est pas assez. Une lettre précise pour monsieur. De Madame Coquenard. De la belle Madame Coquenard. Oh. Tout est perdu. Quoi perdu? Mon mari exige que je vienne à votre bal. Il a soudoyé votre Auvergnat qui s'est engagé à lui désigner la femme qui était cachée chez vous. Oh, nom d'une brique! Mon Dieu! Post-scriptum. Sauvez-moi, sauvez-nous. Monsieur Coquenard, charge ses pistolets. Ses pistolets! Eh bien, me voilà dans le baudrin! Il va y avoir un massacre! Je ne pourrais pas décider cet animal de manche à voile! Allons, tirons! Impossible, monsieur, il est têtu comme trois mules! Allô! Ah, le voilà, le gredin, le schnappant! Si au moins je pouvais l'éloigner! Bonjour, mon petit manche à voile! Bonjour! Bonjour! Tu manges? Oui! Et après, tu iras te promener! Non, j'ai affaire ici! Avec Coquenard? Et si je te proposais d'aller te réjouir avec des porteurs d'eau, hein? Ils sont gays, les porteurs d'eau. J'accepterai, mais pour demain. Il tient comme teigne. Aujourd'hui, j'aiderai mademoiselle Prunette. Moi? J'ai pas besoin de vous. Le garçon du café d'en face viendra me donner un coup de main. Il m'aidera. Le Gascon? Oh, fichtra de galop. Ah, dame, il est complaisant, lui. Pour venir m'aider, il fera un mensonge à son bourgeois. Un mensonge? Où est le mal? Non, un mensonge, jamais. Alors je vais lui donner une course, une longue course. Mon ami, j'ai une petite commission à te donner. Pour ce soir, pas possible. Ah, tu seras revenu dans une petite demi-heure. Bon, comme ça, ça va. Tu vas courir tout de suite, mais tout de suite, à la gare de Lyon. Excusez-moi, à la gare de Lyon. Tu demanderas un billet de troisième classe, ce sont les meilleurs. Pour Marseille. Pour Marseille, où que c'est? C'est un peu au-dessus de Bécon les Brouillés, n'est-ce pas, Prunette? Oui, de Bécon, on voit le clocher. Bon, après. Une fois à Marseille, tu demanderas le brigadier de la gendarmerie et tu lui diras ces simples mots. Monsieur, je n'ai pas de passeport. C'est la vérité. Oh, pour rien au monde, je ne voudrais te faire dire un mensonge. Alors, je n'ai pas de passeport. Veuillez me procurer un logement. Et puis je reviendrai. Tout de suite. Monsieur et madame Coquenard arrivent. Oh, pigre. Allez, vite, dépêche-toi, prends le petit escalier. Mais attendez que je finisse mon pain. Tu le finiras en route, tu vas manquer le train, mais va donc. Au revoir, mon ami, au revoir. Monsieur et madame Coquenard. Il était temps. Arrivez, mes amis, mes chers amis, je suis enchanté de vous recevoir. Je vous salue, monsieur Chiffonnet. Il me salue jaune. Avez-vous reçu mon billet? J'ai expédié l'Auvergnat sur Marseille, train direct. Oh, je respire. Plaît-il? Rien, je disais à madame que vous me paraissiez d'une gaieté folle. En effet. Où diable est cet Auvergnat de malheur? Cherche, va, cherche. Ah! Excusez-moi, voici mes invités. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Ah, je vous préviens qu'il faut qu'on s'amuse. Il y aura des tables de jeu pour les papas, des danses pour les demoiselles et des gâteaux Louis XV pour les enfants. Oui, s'ils ont de bonnes dents. Il y aura peut-être encore autre chose. Oh, une surprise. Oui, une surprise. Oh, il me fait trembler. Est-ce que vous auriez l'intention, Coquenard, d'avaler des bouteilles cassées pour amuser ces dames? Rira bien qui rira le dernier. Je continue à vous trouver d'une gaieté folle. Diable et l'Auvergnat. Cherche, va. Cherche toujours. Ah, entendez-vous l'archer de la folie? La Scottish vous réclame. Allons, messieurs, la main aux dames. Mais je ne vois pas votre nouvel ami, monsieur Machavoine. Où est-il, mon cher Chiffonnet? Il doit être par là, le fils. Oui, comment voulez-vous que je le sache? Allô, ah, vous m'avez chassé, je reprends mon métier, mais je viens chercher mes 300 000 francs. Ah, enfin, te voilà, ma chavoine. Mes 300 000 francs. Mon cher Chiffonnet, je vous avais promis, moi aussi, une surprise. Vous allez la voir. Je suis morte de peur. Tu sais ce que tu m'as promis, chère Machavoine. Ah, un Auvergnat, ça n'a qu'une parole. Mais je voudrais mes 300 000 francs. Machavoine, reconnais-tu madame? Y pensez-vous, monsieur, me compromettre ainsi et devant... Oh, bigre, Oh là là, c'est le gascon qu'appelle Prunet. Si tu parles, je l'épouse ce soir. Ce soir? Oh, cri rapia de la Catarina. Eh bien, voyons, parle. Non, c'est pas celle-là. Hein? Non. L'autre, elle était grande et puis grosse. Celle-là, elle est toute petite et pas. Mais tu m'as donc menti ce matin. Eh ben oui, j'ai menti. Oh, il ment lui-même, tout seul. Oh, fi, que c'est laid. Oh, je le prends la main dans le sac. Ça fait deux mensonges en deux secondes. Ma chavoine. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ceci nous prouve qu'un joli petit mensonginet vaut souvent mieux qu'une épaisse vérité. La radiodiffusion française vient de vous présenter Le Misanthrope et l'Auvergnat, comédie vaudeville en un acte de Labiche, Giraudin et Lubize, dans une adaptation de Philippe Soupeau. Nous vous en rappelons la distribution. Chiffonnet, le misanthrope, Maurice Ténac. Machavoine, l'Auvergnat, Jean Richard. Coquenard, Jacques Morel. Madame Coquenard, Paul Emmanuel. Prunette, la servante. Solange Certain. Le domestique, José Arthur. Réalisation, Jean Chouquet. Cette comédie vaudeville a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 27 septembre 1953. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Hey!